Chapitre 4. Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant « Anne, Dieu a entendu ta prière. Tu concevras et tu enfanteras, et ta race sera célèbre dans le monde entier. » Anne dit « Vive le Seigneur, mon Dieu. Que ce soit un garçon ou une fille que j'engendre, je l'offrirai au Seigneur, et il consacrera toute sa vie au service divin. » Et voici que deux anges vinrent lui disant « Joachim, ton mari arrive avec ses troupeaux. » L'ange du Seigneur descendit vers lui, disant « Joachim, Joachim, Dieu a entendu ta prière, ta femme Anne concevra. » Et Joachim descendit et il appela ses pasteurs, disant « Apportez-moi 10 brebis pures et sans tache, et elles seront au Seigneur mon Dieu. Et conduisez-moi 12 veaux sans tache, et ils seront aux prêtres et aux vieillards de la maison d'Israël. Et amenez-moi 100 boucs, et ces 100 boucs seront à tout le peuple. » Et voici que Joachim vint avec ses troupeaux, et Anne était à la porte de sa maison. Et elle aperçut Joachim qui venait avec ses troupeaux. Elle courut et se jeta à son cou, disant « Je connais maintenant que le Seigneur Dieu m'a bénie, car j'étais veuve et je ne le suis plus. J'étais stérile et j'ai conçu. » Et Joachim reposa le même jour dans sa maison.